Bienvenue au 23e épisode du podcast des mots. Le podcast des mots est une présentation des mots. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man! Aujourd'hui, je vais vous parler du Spirou de Franck P. et Zidrou, La lumière de Bornéo, paru en 2016. Malgré que j'aime bien la série Le Spirou 2, j'ai hésité longtemps avant de lire cet album. Ce n'est pas que je n'aime pas Franck P., mais plutôt ce que je savais de l'album me donnait l'impression de dénaturer le personnage de Spirou. Pourquoi l'animer si c'est pour en faire quelque chose de complètement différent avec lui? Pourquoi ne pas plutôt créer son propre personnage? L'album m'a plutôt confirmé cette impression, mais est-ce une si mauvaise chose? Dans cette histoire, Spirou démissionne du moustique parce qu'on veut censurer son article sur un désastre écologique. Il s'éloigne de Fantasio qui veut rester et décide de s'essayer à la peinture. Et puis, il va se retrouver à devoir garder une adolescente au passé difficile, fille d'un personnage rencontré dans Bravo les Brothers, ce personnage n'étant pas douté pour les contacts humains qui s'est mis à faire avec les animaux. Pour l'adolescente, son père. Avec aussi une importante intrigue d'un mystérieux peintre animalier et une très secondaire intrigue d'invasion de champignons remarquée par un certain conte qu'on connaît bien. On reconnaît bien là une bande dessinée de Franck P., grand passionné de la nature et des animaux et dans une certaine mesure des arts. D'ailleurs, si le scénario est de Zidrou, ce dernier se base sur une histoire de Franck. L'histoire est suffisamment intéressante et bien mené. Le héros n'est plus vraiment lui-même, mais bien modernisé. Le dessin est très réussi. Au final, un album très bien, même s'il a très peu d'un Spirou et Fantasio. On peut toujours se demander pourquoi Franck P. n'a pas continué sa série Broussaille, ou bien pourquoi il est si rare. Je donne donc à cet album une note de 3/5. C'est un divertissement honnête. À la prochaine!